Buonasera a tutte e a tutti per questo mini primer di oggi. Ciao. E con Gloria si finisce lo spazio precedente. Gloria si tratterà anche di Gloria anche in questa trasmissione. La Gloria è la gioia di fare lotte femministe e lesbiche insieme. Abbiamo nel nostro studio oggi Carole. Hola. Carole, che fa parte dell'Assemblea femminista e lesbica contro l'impunità contro le violenze delle violenze sessuali, e anche della Batuca Dyke e di altri gruppi lesbici che purtroppo si sono svolti negli ultimi anni e continuano azioni a Parigi. E dunque abbiamo approfittato delle sue vacanze a Roma per farci raccontare un po' che è successo negli ultimi anni. Sappiamo bene che comunque è un momento particolare, perché da una settimana abbiamo mandato fuori Sarkozy e... E di questa cosa, senza illusione, nessuna illusione su il nostro nuovo presidente, ma comunque questi anni di sarkozismo sono finiti. E, per iniziare, forse inizieremo con un piccolo discorso su il contesto generale in cui sono, infatti, per capire un po' come è arrivata l'assemblea e come si organizza questa assemblea, che è molto comunque si è costruita un po' nella storia delle lotte in Francia. Ovviamente io farò la traduzione aiutata sì. da Olga, e dunque pazienza e bienveillance, perché è difficile. Dunque, Carole, tu volevi, prima di partire sulle cose femministe e lesbiche, un po' parlare del contesto generale. Tu voulais parler, avant qu'on arrive directement aux actions de l'Assemblée féministe, nous parler du contexte général. Oui. Donc bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Pour introduire un peu ce qui s'est passé cet hiver avec l'Assemblée générale des féministes et des lesbiennes, juste de rappel quelques informations sur le contexte social en France. Donc on sort de 12 ans de droite au pouvoir, avec les 5 dernières années une droite dure avec le président Sarkozy. Donc, qui a mis en place des lois xénophobes, des expulsions massives avec des quotas, qui a organisé la casse de tous les services publics, la santé, l'éducation, les transports, la privatisation du rail, les hôpitaux démantelés, les délocalisations d'usines, les fermetures d'usines, les licenciements massifs. Et donc, on a assisté, bien évidemment, à la montée de la misère et de la pauvreté. Et donc, vabbè, comme lo sapete, stiamo uscendo da 12 anni di destra al potere, in cui questi ultimi 5 anni sono stati di destra molto dura, con particolarmente delle leggi xenofobiche importanti, delle espulsioni massive di stranieri e di persone che erano anche in Francia da molto tempo, ma con i cambiamenti delle leggi sui documenti sono state espulse. Abbiamo anche vissuto le taglie nei servizi pubblici, ospedali, scuola, la privatizzazione delle ferroviarie, le delocalizzazioni delle fattorie e anche delle leggi contro le pensioni. Come sappiamo tutti, è caratterizzata per un neoliberalismo duro e chiaro. Voilà, donc dans ce contexte-là, je voudrais rappeler trois luttes fortes en France. In questo contesto volevo ricordare tre lotte molto importanti in Francia. Donc la première en 2005, suite aux violences policières dans des quartiers stigmatisés, les jeunes notamment et la population des quartiers s'est révoltée en 2005. in 2005 queste cose che sono cresciute qui con le rivolte delle banlieue che hanno seguito violenze poliziarie poliziesche della polizia. Contro i giovani, ma non solo contro i giovani, ma anche contro tutta una popolazione della periferia stigmatizzata. La deuxième a suivi un an après, c'est le mouvement étudiant. Donc beaucoup de jeunes dans la rue et des fortes revendications au niveau du démantèlement de l'école, l'éducation, l'enseignement universitaire. Un anno dopo abbiamo vissuto il movimento degli studenti, molto forte, molto giovani nella strada per denunciare le nuove leggi e organizzazione dell'università, della scuola, dell'educazione. Et la troisième mobilisation qu'on a connue, c'était autour de les revendications pour garder les retraites, notamment à 60 ans. Et donc, ça a été une forte mobilisation interprofessionnelle, syndicats, privés, publics. E poi la terza è quella contro le leggi, le nuove organizzazioni delle leggi sulle pensioni, pensioni a 60 anni, in cui abbiamo visto insieme sindacati, popolazione, tutte le professioni, sia del pubblico che del privato. Donc ces luttes ont été dures, ont été fortement réprimées. Elles n'ont pas abouti à de grands résultats puisqu'elles ont toutes été plus ou moins perdues. Néanmoins, il y a des aspects positifs à toute mobilisation. Anche se allora, sono state lotte dure e lotte duramente represse e alla fine comunque anche perse, nel senso che comunque le rivendicazioni non sono state accettate, ma in tutte le lotte si trova anche delle cose positive. Et je pense notamment à la conscientisation des jeunes générations qui ont quand même vécu sous 12 ans de droite et qui ont pu réinventer un autre monde et s'organiser, se mobiliser et créer des passerelles entre les différents collectifs. E soprattutto il fatto che c'è stata una conscientizzazione politica della gioventù che si è mobilizzato massivamente e che ha iniziato a fare dei ponti tra diverse realtà, diverse associazioni o realtà politiche. Donc il y a eu lors de ces différentes mobilisations, il y a eu des apparitions féministes, notamment dans différents cortèges à chaque mobilisation, que ce soit avec les étudiants ou les syndicats. Et donc les féministes et les lesbiennes ont été présentes aussi dans ces luttes-là, en tant que telles justement, en tant que féministes et lesbiennes, pour participer à ces mobilisations populaires. Allora, le lesbiche e le femministe sono state presenti in tutte queste manifestazioni come lesbiche e femministe, visibile e dunque presente dentro i cortei. Infatti su questa cosa mi ricordo bene che avevamo anche intervistata una lesbica di un gruppo che si chiamava a questo momento Bulldozer. Le groupe Lesbian Bulldozer, le groupe LOX, Lesbian of Colors, et les Batuka Dyke. Et donc, trois groupes, par exemple, sont donc ce groupe Bulldozer, le groupe LOX, qui sont les lesbiques de couleur, et la Batuka Dyke, qui est un groupe de Batuka Dyke. De musique brésilienne. De musique brésilienne. Donc en fait, ces groupes ont comme revendication globale, évidemment, le féminisme, et avec la particularité de faire de la visibilité lesbienne. Donc ce sont des groupes uniquement lesbiens. Sono dei gruppi lesbici che hanno comunque un discorso femminista e anche una visione globale, perché un po' non contro i confini e di solidarietà con quelle senza documenti. Visto che abbiamo fatto questa introduzione, che si parla della strada, io proverei di mandare la nostra keniarkana preferita che canta La strada ci appartiene. taper sur nos crânes. Et entre nous, on se déverse tout le poison de nos drames. Ça tord dans la rue, supporte tous les malheurs. Pendant que des bâtiments sont vides, tant pour prendre de la valeur. Ça expulse des familles, des vieux, des enfants. Entre cartes de CRS et caméras de surveillance, quelques années ont suffi pour aseptiser nos ruelles. Apartheid social et culturel. Aujourd'hui, les fachos s'affirment, aiment nous humilier. La ville n'est plus au peuple, mais aux marchands d'immobilier. Fonds spéculatifs, les appétits deviennent tarés. Depuis que la guerre aux pauvres est déclarée, expulsés de nos villes, comme expulsés de nos vies, on ira occuper la rue, comme tous les immeubles vides, on ira affronter l'abus qui sévit et va trop loin, on se laissera pas voler la rue, car la rue nous appartient, ils veulent dessiner l'apartheid, on dessinera le maquis, on ira se réapproprier, tout ce qu'ils ont pris pour acquis, sans logis, sans papier, sans rêve et sans droit, solidarité, on est ensemble, c'est le front des sans-voix. Tirer de nos quartiers populaires, c'est des bandes qui poussent à la place, nous ghettoïsent, nous font la guerre pour nous envoyer à la casse. Les cow-boys sont armés, prennent goût à ta base. Veulent faire déborder le vase pour mieux nous voir boire la tasse. C'est le nouvel ordre qui tape jusqu'à nos quartiers. Police featuring Air France, si jamais t'as pas de papier. Babylone construit son empire sous nos misères. Depuis que les droits de l'homme sont morts lors d'une bavure policière. Génération bouc émissaire, niveau de gêne sous le préau écrasé. Mais qui n'a pas dit son dernier mot. 2008, injustice, y'a que des murs et des tensions. Des familles, même des enfants, enfermés en rétention. Survivre dans ce merdier est devenu un mode de vie. Des SDF qui crèvent dans le froid devant des immeubles vides. La guerre aux pauvres est officielle. Dites-leur ça va trop loin, pas d'apartheid dans la rue nous appartient. Expulsés de nos vies, comme expulsés de nos vies, on ira occuper la rue, comme tous les immeubles vides. On ira affronter l'abus qui sévit et va trop loin. On se laissera pas voler la rue, car la rue nous appartient. Ils veulent dessiner l'apartheid, on dessinera le maquis. On ira se réapproprier tout ce qu'ils ont pris pour acquis. Sans logis, sans papier, sans rêve et sans droit. Solidarité, on est ensemble, c'est le front des sans-voix. Qu'ils ont le chiffre, qu'on a le nombre, qu'on a le nombre, et que la rue nous appartient. Mesure européenne, réhabilitation, synonyme d'expulsion et d'aseptisation. Syndicat, collabo qui joue le jeu de la traque, pendant que le chaos social est étouffé à coups de matraque. Une populace qui se voit la face, mais jusqu'à quand? Et ces putains de médias vendus qui ne connaissent que la propagande. Des flics violents qui aiment provoquer les jeunes. Gouvernement fasciste qui nous en met plein la gueule. Des fonds de pension privés qui rachètent des quartiers entiers. Qui virent ses habitants sans prendre la peine de reloger. Sans papier, humilié par les gardiens du chaos. Compagnie aérienne, complice de la nouvelle Gestapo. Trop de collabos pour les charters de la honte. Fichage ADN, couilles, blessures et déportations. J'appelle à la résistance, mobilisée sur le terrain. Désobéissant, car la rue nous appartient. Expulsés de nos vies, comme expulsés de nos vies, on ira occuper la rue, comme tous les immeubles vides. On ira affronter l'abus qui sévit et va trop loin. On se laissera pas voler la rue, car la rue nous appartient. Ils veulent dessiner l'apartheid, on dessinera le maquis. On ira se réapproprier tout ce qu'ils ont pris pour acquis. Sans logis, sans papier, sans rêve et sans droit. Solidarité, on est ensemble, c'est le front des sans-voix. C'est le front des sans-voix. Le front de ceux qui ne veulent plus se laisser faire. Fascisme institutionnel, voilà l'esprit du maquis, mon frère. Résistance sur le terrain, contre leur politique d'apartheid, car la rue nous appartient. Ecco, dunque la strada ci appartiene, hanno fatto la guerra ai poveri, ma ci siamo ancora. Dunque si parlava dei diversi gruppi lesbici e femministe che sono intervenuti ma molte volte nelle manifestazioni sulle diverse lotte che sono svolte in Francia negli ultimi diciamo 5 anni, anche 7 anni. E, tu volevi parlare di un rassemblement? Un presidio? Ancora di più, una un po' più. Vabbè. Un gruppo, presidione, un'iniziativa, un'iniziativa di azione lesbiche, no? Il RAL, Rassemblement d'Action Lesbienne. D'Action Lesbienne. Donc c'est un rassemblement qui a eu lieu en juin dernier, donc à l'occasion de la Gay Pride. En fait, il y a eu la proposition de mettre une affiche pour appeler à manifester à la LGBT avec un coq gaulois en bleu, blanc, rouge. Donc ça a choqué nous toutes et bien d'autres. Donc on a réussi à faire enlever cette affiche pour une autre en revendiquant le fait qu'on se reconnaissait pas dans cet emblème patriotique blanc et du coq gaulois. grazie. E dunque sono azioni che sono stata azioni che hanno fatto l'anno scorso a giugno, soprattutto intorno alla Gay Pride, quando gli organizzatori della Gay Pride avevano scelto come cartello un gallo gallico, diciamo un gallo gallico bianco rosso e blu bianco rosso, e molte non ci sono ovviamente riconosciuto in questo simbolo molto patriottico, e dunque hanno contestato e fatto ritirare questo cartello. Donc l'idée c'était de bien lutter contre la montée des idées de l'extrême droite qui tente de récupérer les populations LGBT dans le monde. Et l'idée era di lottare contro la recuperazione dell'estrema destra, delle idee dell'estrema destra che vanno anche dentro i movimenti LGBT. Donc on a co-organisé ce rassemblement, on a quelques sons à vous faire écouter. Donc il y a donc l'Ox à l'initiative, la coordination de lesbiennes en France, les Batoukadaïk pour la rythmique, et puis il y a quelques interventions des copines qui présentent le rassemblement. Dunque abbiamo qualche audio, dunque in questa azione c'erano le lesbiche di colore, le LOX, la coordinazione lesbica e poi la Batoukadaïk per la ritmica. Vi mando un audio dell'inizio dell'evento in cui si sente la Batoukadaïk e poi la presentazione delle compagnie del gruppo LOX. E loro gridano femministe finché si dovrà. Sabrine, Mourouni et Louisa, aujourd'hui vous avez lancé ce RAL, Rassemblement d'Action Lesbienne. Sabrine, Mourouni e Louisa, oggi avete lanciato questa iniziativa del RAL, Raggruppamento Azioni Lesbiche. Pour cette Lesbian and Gay Pride de 2011, donc les Lesbian of Colors, les LOX, ont lancé le RAL. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu les objectifs de cette action? Ci potete spiegare gli obiettivi di questa azione? Bah, c'est des objectifs multiples, mais avec quand même des revendications spécifiques aux Lesbian of Colors. D'une part, bah, c'était déjà assurer une visibilité. Donc, ce sont des objectifs divers. Manca anche con qualche specificità. La prima cosa è di assicurare una visibilità delle lesbiche di colore. Iniziativa dell'espace d'espressione contro il razzismo. Un'iniziativa di uno spazio di espressione contro il razzismo. Contro la lesbofobia. Contro le leggi securitarie e xenofobiche. Islamofobici che? E per questo che oggi ci raggruppiamo. E in solidarietà con tutte le lesbiche di tutti i paesi. E notamment le lesbienne du monde arabe qui se sont soulevées. E soprattutto le lesbiche del mondo arabo che si sono sollevate in questo primavera. Di Egitto e di Siria. Je voudrais aussi rajouter que ce rassemblement est d'autant plus important que c'est la première fois, n'exagérons pas, mais c'est quand même une des rares fois où les lesbiennes s'organisent en ayant différentes associations. Et volevo dire che per me è molto importante, voglio sottolineare che la prima volta, forse non la prima volta, ma comunque una volta importante in cui le lesbiche ci siamo auto-organizzate da diverse associazioni. En collectif, in collettivi, et puis surtout assurer aussi un espace non mixte, di essere in un spazio separatista, parce que la non mixité est toujours d'actualité, perché il separatismo è sempre ancora di attualità, et puis aussi répondre à cette affiche que nous a pendue l'inter. e anche di rispondere a questa, questo cartello che hanno, cioè, hanno fatto questi organizzatori della Gay Pride. E passiamo all'assemblea di femministes et di lesbiques. Donc l'année dernière, au mois de, en l'été dernier, donc l'été 2011, je pense que ça ne vous a pas échappé, l'affaire DSK qui a éclaté avec la mise en accusation de Dominique Strauss-Kahn aux États-Unis par rapport à la plainte de Nafissatou Diallo, qui l'accuse d'agression sexuelle. Donc, l'estate scorso, sicuramente, lo so, non vi, lo sapete anche voi, è scoppiata questa affare di DSK, di Dominique Strauss-Kahn, accusato da Nafissatou Diallo di violenza sessuale. Donc en fait, ça, cette affaire a retenti bon, dans le monde entier, hein, vu qu'il était patron du FMI. Infatti questa affare ha avuto una diffusione internazionale, visto che era il padrone del Fondo Monetario Internazionale. Mais en France, vu de la France, ça a une spécificité, c'est que qui est importante à prendre en compte, c'est que DSK était vraiment le candidat du PS pressenti pour la future élection présidentielle de 2012. In Francia questa affaire aveva avuto anche un eco un po' particolare, perché DSK era proprio presentito come futuro presidente, il candidato sicuro del Partito Socialista. Et maintenant qu'on connaît le résultat des élections, à savoir que les socialistes ont gagné, on peut considérer que DSK aurait été le président de la France. Adesso che sappiamo che i socialisti hanno vinto, possiamo anche considerare che lui sarebbe stato il presidente francese. Et donc quand l'affaire est sortie l'été dernier, il y a eu donc un déferlement de soutien de la part de tous les partis politiques de tous bords envers DSK. Et quand est scoppiata la vicenda l'anno scorso, c'è stato un sostegno indefettibile, indefettibile di tutti per Dominique Strauss-Kahn. Tutti i partiti, di tutti i bordi, comunque una solidarietà. Donc toutes les élites, tous les intellectuels, tous les journalistes, tous les politiciens se sont solidarisés avec DSK et on a assisté dans les médias à un déferlement massif de tous les arguments sexistes contre Nafissatou Diallo et les autres victimes qui avaient également porté plainte. Et è stato da parte di tutti, eliti, giornalisti, politici, media, una grande solidarietà e massivamente dei parole e discorsi sessisti e molto contro Nafissatou Diallo. Donc à la rentrée en fait tout le monde il y a eu un choc au niveau du milieu féministe et lesbien français. Ce choc a abouti à l'urgence et la nécessité de se retrouver. Et donc en septembre, une assemblée générale a été organisée par notamment à l'appel de la Marche mondiale des femmes. Et donc on s'est toutes retrouvées en septembre à la Bourse du Travail à Paris, donc dans un lieu syndicaliste très connu, quoi. Et donc questa vicenda ha provocato proprio uno shock dentro i movimenti lesbici e femministe. E le donne della Marcia Mondiale hanno fatto un appello e c'è stata una prima assemblea alla Borsa del Lavoro, che è un luogo storicamente di lotta. Donc l'appel a été largement suivi par toutes les féministes, les journalistes, les chercheuses, les militantes, les différents petits groupes, les grands groupes, les organisations, les institutionnels. On s'est retrouvés à 150 très énervés. Allora, si sono ritrovate 150 molto arrabbiate e tra loro veramente da tutte le parti, giornaliste, ricercatrici, gruppi informali, gruppi collettivi del movimento autonomo, collettivi più istituzionali, politiche, tutte si sono messe insieme. Et en fait, comme on a été très choqués de tous les propos qui ont déferlé, la réponse, on l'a voulu à la hauteur du choc et de la haine sexiste qui avait déferlé. Parce qu'en fait, même des féministes un peu plus installées, institutionnelles, un peu endormies, on pourrait dire, ont vraiment été réveillées également à ce moment-là. Et tout le monde s'est lancé dans la contre-attaque, en fait, en écrivant chacune dans sa sphère d'influence. Et aussi à essayer de faire une AG qui se réunit pour mettre des actions un peu plus dures. E lo shock è stato grande e dunque le reazioni sono state volute all'altezza dello shock che è stato fatto. E anche, diciamo, le femministe più indomentata, diciamo, un po' più moscia, un po' più istituzionale, tutte cioè si sono anche svegliate. Questa cosa ha fatto che tutte nei loro propri sfere si sono messe a scrivere e a fare azioni e a denunciare. Donc très vite le premier travail a été d'acter que l'Assemblée générale allait s'appeler une assemblée générale de féministes et de lesbiennes contre l'impunité des violences masculines, avec comme sous-titre « Le viol est un crime, nous ne nous tairons pas ». Et molto velocemente l'assemblea comunque ha attato il suo nome, assemblea di femministe e di lesbiche contro l'impunità delle violenze maschile, delle violenze maschile con il sottotitolo lo stupro è un crimine e non ci taceremo. Donc on a commencé par être active en allant sous les fenêtres de DSK, puisque DSK, à son retour en France, a été accueilli comme un roi. Donc on s'est servi du battage médiatique autour de lui que lui-même a organisé pour essayer de se racheter une bonne réputation. Et donc on a été faire du barouf sous ses fenêtres à la place des Vosges. La prima azione che hanno fatto è di andare sotto le finestre, perché quando DSK è tornata in Francia è stato accolto come un re e comunque all'altezza della mediatizzazione che lui voleva per comunque ritrovare la sua reputazione. E dunque la prima cosa che hanno fatto è stato di andare a fare casino sotto le finestre della sua casa a Piazza dei Vosges. Juste, je mentionne que nous, les féministes, on n'a pas été les seuls à agir à ce niveau-là. D'autres groupes mixtes de l'extrême gauche se sont aussi mobilisés. Je voulais dire que non seulement les féministes se sont mobilisées, mais aussi des groupes mixtes de l'extrême sinistre se sont mobilisés. Et donc notre stratégie a marché puisqu'on a on a surfé sur l'affaire DSK, enfin sur la vague médiatique de DSK, et donc à chaque événement pendant l'hiver où il était question, puisqu'on est rentré dans une période de préélectorale en France, donc à chaque meeting du PS, aux primaires socialistes, etc., on était présente pour dénoncer le viol est un crime. Et la nostra strategia ha funzionato perché abbiamo surfato sull'onda preelettorale che c'era in Francia a questo momento e siamo comunque intervenute in tutti i meeting, per esempio il meeting sulle primarie della sinistra, del Partito Socialista. On a également mis en place des actions pour dénoncer les violences masculines. À Noël, on a distribué un tract pour dénoncer le Père Noël est un violeur. On a dénoncé les violences dans le couple à l'occasion de la Saint-Valentin aussi. Abbiamo anche fatto di azioni contro altri argomenti sessisti, per esempio a Natale contro i giocattoli sessisti con slogan come il Babbo Natale è un stupatore, alla San Valentino contro le violenze dentro le coppie. Mais donc notre cible de DSK, on l'a maintenue. On est assez contente de nos résultats parce que notamment dans un meeting où François Hollande avait été invité, on est intervenu en coupant le sifflet à François Hollande, en lui rappelant que et en scandant DSK partout, justice nulle part. On a maintenu une pression forte auprès des socialistes. Siamo abbastanza contenti dei nostri risultati. Per esempio, una cosa che è stata molto importante è stata quando noi siamo intervenute tagliando la parola a François Hollande per due volte per ricordare la cosa di Esca, dicendo e gridando di Esca dappertutto, giustizia da nessuna parte. Donc il faut savoir que depuis l'affaire de New York, DSK il a été à nouveau accueilli et invité dans des sphères de pouvoir pour parler d'économie, donc notamment à Casablanca. Bon là on n'avait pas réussi à contacter des féministes sur place pour mettre la pression, mais on était en lien avec le groupe d'étudiantes de Cambridge qui ont manifesté à l'avenue de DSK. Allora, si deve sapere che comunque DSK continuava di essere invitato per parlare di economia, per esempio a Casablanca non siamo riusciti a metterci in contatto con femministe, ma invece quando è stato invitato a Cambridge, lì siamo stati subito in contatto con le studentesse di Cambridge e abbiamo riuscito a fare vietare la sua venuta. Donc on espère que la pression qu'on a pu mettre déjà en France a suffisamment fonctionné, puisque au mois d'avril, il était prévu que DSK soit invité à s'exprimer sur les questions économiques au Parlement européen, et l'invitation a été enlevée, supprimée, sous la pression des députés socialistes, féministes, enfin en tout cas des femmes, qui ont demandé qu'ils ne viennent pas. Pensiamo che abbiamo fatto abbastanza pressione, abbiamo mantenuto una pressione forte e per esempio DSK è stato invitato a parlare ancora economia al Parlamento europeo, ma lì le politiche e soprattutto le donne dei partiti socialisti si sono opposte alla sua venuta e l'invito è stato levato. Voilà. Ok, prima di fare un stacco musicale volevo rimandare un po' di voce di strada. Questo fa un po' vedere che vabbè, ci sono da una parte dunque alcune che cantano, dall'altra parte alcune che gridano siamo lesbiche, siamo femministe, e questo mondo è da vomitare e questo mondo è da sovvertire. Facciamo questo scacco musicale, questa la canzone preferita della nostra ospite di oggi, Necca, Earthbeat. You throw stones and you see that I am human, I am brave. dunque ci ritroviamo nel studio con Carol, dunque dell'Assemblea di Femministe e di Lesbiche di Parigi. Si diceva fuori i microfoni che comunque si ricordava così dal vivo quasi il momento in cui hanno messo i striccioni, mandato i flyer tagliando la parola a Hollande, e che comunque è stato un momento forte di azioni. E, la chose qu'on voulait parler, c'était un peu aussi comment s'organisait l'Assemblée. Donc au niveau de l'Assemblée, donc c'était une assemblée tous les 15 jours où on avait ensuite mis en place des commissions qui se regroupaient entre deux AG. Commission Action, Commission Médias, Commission Tract. Et donc oui, l'Assemblée est organisée così che tutte le due settimane si faceva assemblea, e era organizzato con anche commissioni media, commissioni tract, commissioni azioni, che comunque queste commissioni si riuniva mezzo, diciamo, una settimana le commissioni e una settimana l'Assemblea generale. Assez vite aussi, ce qu'on peut remarquer, c'est que au bout de deux AG, assez vite, il a été une évidence pour toutes que l'AG devait être non mixte. Donc, même s'il y avait un ou deux hommes au début, au bout de deux AG, on a instauré la non mixité. Velocemente, anche si è instaurato il separatismo, anche se all'inizio uno o due uomini erano presenti, comunque l'Assemblea ha deciso che sarebbe un'Assemblea e delle azioni separatiste, e questo è stato una decisione forte. Oui, cette décision n'a pas été beaucoup débattue parce qu'on était tout assez d'accord là-dessus, même si toutes les militantes de l'AG pouvaient être dans des collectifs mixtes. Là, pour le coup, par rapport à la revendication qu'on avait, la non-mixité a été acceptée très facilement. Infatti, è un fatto un po' particolare, perché anche se molte femministe facevano parte di gruppi misti, comunque su questo argomento il separatismo è andato di sé, e non c'è stato molti dibattiti su questa cosa, è stata proprio una cosa ovvia. Donc au niveau des militantes de l'AG, en fait, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça a quand même brassé beaucoup de personnes très différentes dans leur militantisme féministe. Et du coup, ça nous a amené à nous confronter sur les sujets qui nous divisent encore dans le milieu féminisme. Donc la question de veut-on des lois, plus de lois, quelle réglementation par rapport aux violences masculines, la question de la justice a été à nouveau débattue, quelle justice on veut. E dunque, come lo dicevo prima, in questa assemblea sono venute tante femministe che avevano lesbiche che avevano dei percorsi politici molto diversi, e dunque siamo anche confrontate a degli argomenti che comunque ci separano ancora, per esempio che giustizia vogliamo, legge o non legge, polizia o non polizia, come trattare, no? Come confrontarci, come strategie, che strategie avere per le violenze maschili. Il y a un autre grand débat aussi qui est en cours, qui n'est pas terminé, c'est quelle posture antiraciste adopter, quelle solidarité mettons en place avec les femmes dans le monde. Un altro dibattito che comunque è comunque in corso in questo momento è come ci poniamo l'antirassismo e come mettiamo e possiamo mettere atti delle solidarietà con le donne nel mondo. Donc cette grande diversité à l'AG, ça nous a amené beaucoup de force, parce qu'on a été très active, et du coup on pense avoir réussi la pression sur DSK. Et maintenant, ça a aussi ses limites, c'est que on était très divergentes sur certaines questions ou sur certains fonctionnements. Et donc l'AG a pu être dur à tenir à certains moments de l'hiver. E dunque questa assemblea, comunque la diversità ha le sue forze, perché comunque siamo confrontate, ma c'ha anche le sue limiti, e molte assemblee, e molte volte nell'inverno è stato anche duro di tenere l'assemblea, visto le nostre diversità o i nostri diversi punti di vista. Donc à l'heure actuelle, l'assemblée continue à se réunir tous les 15 jours. Elle est moins nombreuse puisque les élections sont passées, l'affaire DSK est un peu retombée aussi, même si là dernièrement cette semaine il y a DSK qui a porté plainte contre Nafissa Atou Diallo aux États-Unis. Donc on va voir les suites que nous on va donner aussi à ça. Cette assemblée a quand même permis de créer des nouveaux liens, de rencontrer des nouvelles féministes et de redonner un peu un souffle au mouvement féministe en France et du coup tous les mouvements d'extrême gauche d'ailleurs. E dunque in questo momento l'assemblea continua, si vede ogni due settimane, anche se siamo un po' meno numerose, anche perché le elezioni sono passate, anche perché l'affaire DSK è un po' ricaduta, ma si vede anche che questa settimana DSK ha denunciato Nafissa Atou Diallo, e dunque vedremo come noi reagiamo a questa vicenda. E una cosa importante è che comunque questa cosa ha fatto che abbiamo ricreato legami che erano persi e che ha dato proprio un nuovo respiro al movimento femminista, al movimento lesbico e anche a tutta la sinistra radicale. Volevamo fare una piccola presentazione di un evento che si svolgerà a Parigi a giugno. E io volevo mandare un po' di audio di questa Batuca Dyke, che anche questo è importante, un gruppo dunque di lesbiche che sono messe insieme e fanno rumore, anche loro si allenano e suonano insieme tutti i mesi per intervenire per strada in tutte le manifestazioni e fare visibilità lesbica e portare argomenti antisessisti, antirassisti e antiliberalismo, e dunque le sentiamo solo un po' così, eccole. Questo raggruppamento e presidio e manifestazione delle lesbiche di colore e altri gruppi lesbiche è stato un successo in tutta modestia. Dunque la fine di una la manifestazione dei LOGS giugno 2011. E infatti le LOGS, per continuare, e anche la Batuca Dyke, si impegna per un evento, su un evento che è organizzato da gruppi gay LGBT a giugno, che si chiama Food for Love, calcio per amore, e sono invitate delle squadre che faranno un torneo di calcio a Parigi, al Parc des Princes, con una cosa su calcio contro l'omofobia. Et vous allez faire quoi? Donc à l'initiative, pendant l'événement Food for Love, en fait c'est organisé, bon, c'est beaucoup d'institutionnels aussi qu'on met en place ce truc-là, mais nous aussi les militantes, on a voulu s'y associer, Et donc, les LOX ont participé à la venue des joueuses de foot lesbiennes d'Afrique du Sud. Et les Batuka Dykes vont faire la musique pour les soutenir pendant leur match de foot au Parc des Princes, pour assurer leur victoire. Et voilà, Pom Pom Girl, en fait. Et donc, ouais, scusa, non ho sentito l'inizio, ma vabbè, se ho capito bene, sono invitate delle squadre di lesbiche dell'Africa del Sud e la Batuka Dyke ha deciso di venire per suonare e fare in modo che loro vincono durante la loro partita. E loro faranno le pom-pom girl. Et bon, comme on voulait aussi organiser un rassemblement un peu plus politique et féministe, on a mis en place un rassemblement dans la rue. Donc le lieu, ce sera dans Paris, mais on n'a pas encore vraiment tranché sur le lieu. Et donc ce sera la veille de la Gay Pride. Et là, ça va être un rassemblement politique avec des interventions politiques des LOX, d'autres groupes de lesbiennes, pour dénoncer les viols correctifs des lesbiennes dans le monde et précisément en Afrique du Sud, et des meurtres et assassinats de lesbiennes, avec des interventions politiques et suivi de plusieurs concerts par des artistes lesbiennes qui vivent en France. E perché volevamo anche dare comunque un momento politico a questo momento, abbiamo anche deciso di fare un presidio a Parigi, ma non so ancora esattamente dove, un presidio la sera o il pomeriggio prima della Gay Pride, in cui comunque ci saranno dei interventi politici di lesbiche e diversi gruppi lesbici. Soprattutto vogliamo denunciare le stupri correttivi nel mondo e soprattutto nell'Africa del Sud, e anche tutte le violenze che subiscono le lesbiche attraverso il mondo. Ci sarà dunque diversi interventi su questa cosa, e ci saranno anche concerti con gruppi di lesbiche che vivono in Francia. Donc en juin, deux gros événements à Paris. Venez nous rejoindre, nous soutenir et participer. Donc en juin, deux grands événements à Parigi. Venite raggiungerci, sostenerci e partecipare. E grazie Carole. Grazie. Grazie. E abbiamo scelto Sister, che ci importa, che ci vogliano, l'importante è che ci temano. Sister Resist, Tribad. Qu'ils n'importe et qui nous craignent. Peu n'importe qu'ils n'importe et qui nous craignent.